Chapitre 9e. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis que le chanoine Don Diego avait été impitoyablement abandonné par l'étrange et inimitable cuisinier dont nous avons parlé. La scène suivante se passait chez l'abbé Ledoux entre lui et le chanoine. Les menaçantes prédictions du grand homme de cuisine commençaient à se réaliser. Don Diego, pâle, abattu, le teint jauni par l'abstinence, car tout mets lui avait paru fade, nauséabond, depuis ce merveilleux déjeuner auquel il rêvait sans cesse. Don Diego n'était presque plus reconnaissable. Son ventre énorme avait déjà perdu de sa rotondité. Le pauvre homme, dont l'attitude et la physionomie trahissaient un abattement profond, répondait à peine et d'un ton dolent aux questions de l'abbé Ledoux. Celui-ci allait et venait avec agitation dans son salon, s'adressant au chanoine d'une voix rude et fâchée. « En vérité, vous n'avez pas la moindre énergie, Don Diego, » lui disait-il. « Vous êtes d'une apathie désespérante. »« Cela vous est bien facile à dire, » murmura le chanoine d'une voix lamentable. « Je voudrais bien vous voir à ma place, hélas. »« Allons donc, c'est honteux. »« Accablez-moi, l'abbé, maudissez-moi, mais que voulez-vous ? » Depuis que ce maudit m'a si atrocement abandonné, je ne vis plus, je ne mange plus, je ne dors plus. Ah, il me l'avait bien dit. Mon souvenir et ma figure vous poursuivront partout, chanoine. Et en effet, je pense toujours à ces œufs de pintade, à cette truite, à cette rôtie, à la sardane pâle. Et lui, je le vois toujours et partout, avec sa veste blanche et son bonnet de coton. C'est comme une hallucination. Cette nuit encore, cédant à un sommeil fiévreux, agité, j'ai rêvé de ce démon. « De mieux en mieux, chanoine. Quel cauchemar ! Jésus, mon Dieu, quel horrible cauchemar ! Il m'avait servi un de ces petits plats exquis et divins que seul il a le génie de produire, et il me disait de son air sardonique, « Mangez donc, chanoine, mangez donc !» C'était, je me rappelle, je le vois encore, une canne pétière sauce à l'orange. J'avais un appétit dévorant. Je prenais ma fourchette et mon couteau pour découper cette trop adorable canne pétière. Je découpais, j'enlevais les filets, dorés en dessus, rosés en dedans, et marbrés d'une graisse si fine, si délicate. Mille gouttelettes d'un jus vermeil apparaissaient sur la chair comme autant de gouttes d'une rosée succulente, tant ce gibier était rôti à point. Je l'arrosais de plusieurs cuillerées d'une sauce à l'orange dont le fumet chatouillait toutes les papilles de mon palais épanouies d'avance. Je prenais au bout de ma fourchette un de ces filets, véritable bouchée de roi, j'ouvrais la bouche. Soudain, un ricanement féroce de mon bourreau retentissait, et, horreur, je n'avais plus au bout de ma fourchette qu'un gros morceau de la rance, jaune, gluant, infect. « Mangez donc, chanoine !» me répétait ce maudit de sa voix stridente. « Mangez donc !» Et malgré moi, malgré mon épouvantable répugnance, je mangeais, oui, l'abbé, je mangeais cet affreux lard. Tenez, quand j'y pense, pouah, c'était horrible. Je m'éveillais en fondant larmes. Avant-hier, autre rêve odieux, il s'agissait deux fois de l'hôte en caisse. « Allez au diable, chanoine !» s'écria l'abbé, qui s'était déjà contraint à grand-peine pendant le récit du cauchemar gastronomique de Don Diego. « Vous feriez damner un saint avec vos sornettes !»« Des sornettes ?» s'écria le chanoine désespéré. « Comment ? Voilà 8 jours que je n'ai pu avaler que quelques cuillerées de chocolat, tant je suis écœuré, affadi. Comment ? J'ai eu la conscience d'aller passer 2 heures assis dans les musées de chevet et de Bontou, espérant que peut-être la vue de leur rare collection de comestibles exciterait en moi une velléité d'appétit. Et rien, rien, non. Le souvenir de ce déjeuner céleste était là, toujours là, écrasant tout, annihilant tout par la seule puissance de son pouvoir chéri. Ah, l'abbé, l'abbé, je n'ai jamais aimé, mais depuis 3 jours, je comprends qu'un homme passionnément amoureux reste indifférent à la vue des plus belles créatures du monde, ne songeant, hélas, 3 fois, hélas, qu'à l'objet adoré qu'il regrette. Mes chanoines, s'écria l'abbé en considérant Don Diego avec inquiétude, savez-vous que tout cela tourne au délire, à la folie? Eh mon Dieu, je le sais bien, l'abbé, ma tête se perd. Ce séducteur maudit a emporté avec lui ma vie et ma pensée. Dans la rue, je dévisage tous les passants, tant je suis possédé de l'espoir de le rencontrer. Grand Dieu, si ce bonheur m'arrivait, oh, il ne serait pas insensible à mes larmes, à mes prières. Cruel, perfide, lui dirais-je, regarde-moi. Vois sur mes traits la marque de mes souffrances. Seras-tu sans pitié? Non, non, grâce, grâce. Et le chanoine, se renversant dans son fauteuil, cacha sa figure dans ses mains et éclata en sanglots. mon Dieu, que je suis malheureux! S'écria-t-il. Quel double brute! Il en deviendra fou s'il ne l'est déjà! Se dit l'abbé. Je ne m'en plaindrai pas, car sa folie constatée, il ne sortirait pas de notre maison, et somme toute, saigner sous lui, peu importe. L'abbé s'approcha alors du chanoine avec compunction et lui dit doucement « Allons, mon frère, soyez raisonnable, calmez-vous. Peut-être faudra-t-il voir dans ce qui vous arrive une punition du ciel. » « Je le pense comme vous, l'abbé. Ce tentateur sortait de l'enfer. Il n'est pas donné à une créature humaine de faire ainsi la cuisine. Ah, l'abbé, il faut que je sois un grand pécheur, car ma punition est terrible. » « Vous vous êtes, en effet, à donner sans frein, sans mesure, à l'un des plus immondes des péchés capitaux, à la gourmandise, mon cher frère, et, je vous le répète, le ciel vous punit, comme c'est son habitude, par où vous avez péché. » « Pourtant, après tout, quel est mon crime? J'ai simplement usé des dons admirables du Créateur, car enfin, ce n'est pas moi qui, pour les savourer, ai créé tout exprès les faisans, les ortolans, les foie gras, les truites saumonées, les truffes, les huîtres, les homards, les vins... « mon frère !» s'écria l'abbé en interrompant cette appétissante énumération. « Mon frère, vos paroles sentent le matérialisme, le panthéisme, l'hérésie. Vous n'êtes pas dans un état d'esprit assez calme pour m'entendre réfuter comme il convient ces systèmes impies, abominables, qui mènent droit au paganisme. Mais il y a un fait, c'est que vous souffrez, mon frère. Vous souffrez cruellement. Eh bien, c'est à nous de panser vos plaies, mon tendre frère. C'est à nous d'y répandre le miel et le baume. » À ces mots, le chanoine fit une grimace involontaire, car dans sa monomanie gastronomique, cette idée de miel et de baume lui semblait singulièrement fadasse et sans aucun ragoût. L'abbé continua. Voyons, cher frère, remontons à la cause de tous vos maux. Hélas, l'abbé, c'est la perte de mon appétit. Soit, mon frère, et qui a causé la perte de votre appétit? Ce misérable! S'écria le chanoine courroucé. Cet infâme capitaine Horace! Il est vrai. Eh bien, je vous prêcherai toujours la maxime de pardon des injures, mon cher frère, mais aussi je vous recommanderai toujours une inexorable sévérité contre les sacrilèges. Quel sacrilège, l'abbé? Le capitaine Horace et un de ses matelots n'ont-ils pas osé franchir les murs sacrés du couvent où vous aviez renfermé votre nièce? N'ont-ils pas eu l'audace d'enlever cette malheureuse, qu'heureusement nous avons reprise? Cette énormité, en d'autres temps, eût motivé le feu séculier, mais elle sera punie par le feu éternel. Et il n'aura que ce qu'il mérite, ce scélérat de capitaine! S'écria Don Diego d'un air féroce. « Oui, il cuira, il rissolera à petit feu pendant l'éternité dans la daubière de Satan, où il sera humecté avec un coulis de plomb fondu après avoir été lardé avec du fer rouge. Telle sera sa punition, je l'espère bien. » « Soit, mais en attendant cette expiation éternelle, pourquoi ne pas le punir ici-bas? Pourquoi avez-vous eu la coupable faiblesse de renoncer à votre demande de poursuite contre ce mécréant? Je ne veux certes point... Vous rappelez que cet homme est la cause première de ce que vous appelez tous vos maux, c'est-à-dire la perte de cet appétit. C'est vrai. Ah, c'est un grand criminel. Alors, mon frère, comment, encore une fois, avez-vous été assez faible pour renoncer à vos poursuites contre lui? Vous ne me répondez pas. Vous semblez embarrassé. C'est que... Hélas, l'abbé, vous allez me gronder, me sermonner encore. Enfin, expliquez-vous, mon frère. Que vous dirais-je? C'est sa faute, car depuis qu'il a disparu, toutes mes pensées viennent de lui et retournent à lui. Qui, lui? Cet ange, ou ce démon? Quel ange, quel démon? Le cuisinier. Encore? Toujours. Allons, dit l'abbé en haussant les épaules. Du moins, expliquez-vous, mon frère. Eh bien, l'abbé, sachez donc que le lendemain du jour fatal où j'avais déjeuné comme je ne déjeunerai plus jamais, hélas, au plus fort de mon désespoir, j'ai reçu un billet mystérieux. Et ce billet, que contenait-il, mon frère? Le voici. Vous l'avez gardé? Il est peut-être de son écriture chérie, murmura le chanoine avec une navrante mélancolie. Et il remit le billet à l'abbé Ledoux qui lut ce qui suit. Seigneur chanoine, il te reste peut-être un moyen de me revoir un jour. Tu connais maintenant les délices dont je peux te combler. Tu connais aussi les terribles tourments que te fait endurer mon absence. Avant-hier, n'ayant pas encore ressenti ces tourments dans toutes leurs angoisses, tu aurais pu te refuser à ce que j'attends de toi. Aujourd'hui, que tes souffrances passées te seront garantes de tes peines à venir, écoute-moi. Ces souffrances, tu peux les faire cesser. Il faut pour cela m'accorder trois choses. Je te demanderai aujourd'hui la première, dans 8 jours la seconde, dans 15 jours la troisième. Je proportionne ainsi l'importance de mes demandes à la progression de tes tourments, car plus tu souffriras, plus tu me regretteras et plus tu te montreras docile. Ma première demande, la voici. Remets au porteur de ce billet ton désistement de toute poursuite contre le capitaine Horace. Donne-moi par cet acte une preuve de ton désir de me satisfaire, et alors tu pourras espérer de retrouver appétit. » Lorsque l'abbé Ledoux eut achevé la lecture du billet, il réfléchit un moment en silence, pendant que le chanoine, répétant les derniers mots de la lettre, disait amèrement « Et tu pourras espérer de retrouver appétit. Quelle sauvage ironie dans cet impitoyable calembour !»« Cela est singulier, » dit l'abbé tout pensif. « Et le porteur de cette lettre, l'avez-vous vu, Don Diego ? Si je l'ai vu, pouvais-je perdre cette occasion de parler de lui ? Eh bien, j'avais l'air de parler hébreu à cet animal. À mes questions les plus pressantes, il répondait d'un air stupide. Je n'ai pu même tirer de lui le nom ou l'adresse de la personne qui m'avait envoyé ce billet. Ainsi, chanoine, c'est pour obéir à ce que vous enjoignez cette lettre que vous avez renoncé à vos poursuites contre ce renégat de capitaine Horace ? Oui. Car un moment j'avais espéré, par ma déférence au désir de celui qui tient ma vie entre ses mains, amollir son cœur de roche. Mais, hélas, cette concession ne l'a pas touché. Quel rapport peuvent donc exister entre ce maudit cuisinier et le capitaine Horace ? Se dit l'abbé Ledoux en réfléchissant encore. Cela cache quelque manège. Puis après un nouveau silence, il ajouta « Don Diego, écoutez-moi. Je ne vous dirai pas de renoncer à l'espoir d'avoir un jour à votre service ce cuisinier que vous prisez tant. Je n'insisterai pas sur les dangers dont est menacé votre salut par suite de votre abominable gourmandise. Vous êtes en ce moment dans un tel état de surexcitation que vous ne comprendriez pas. Je le crains, l'abbé. Moi, j'en suis sûr, chanoine. J'agirai donc avec vous ainsi que l'on agit, permettez-moi de vous le dire, avec les monomanes. Je me mettrai, quant à présent, à votre point de vue, si extraordinaire qu'il soit. Aussi vous dirai-je que vous avez justement fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire pour dominer cet homme qui, ainsi que vous le dites, dispose de votre sort. Expliquez-vous, mon cher abbé. D'après tout ce que vous m'avez confié, évidemment, ce cuisinier n'a nul besoin de place. Instruit de votre goût favori, il n'a cherché qu'un prétexte pour s'introduire chez vous. Sa connivence avec le capitaine Horace ne vous prouve-t-elle pas que leur plan était arrêté d'avance et qu'il comptait se servir de votre gourmandise pour avoir, comme on dit, barre sur vous ? Grand Dieu ! S'écria Don Diego, c'est un trait de lumière ! Avouez-vous maintenant votre aveuglement ? Quelle trame infernale ! Quel atroce machiavélisme ! Murmura le chanoine avec effroi. Il ajouta avec un découragement plein d'amertume et de misanthropie, tant de dissimulation, tant de perfidie jointe à un si beau génie. Oh, humanité, humanité !» Je poursuis, reprit l'abbé. Vous vous êtes déjà privé, par votre insigne faiblesse, de l'un des trois moyens d'action que vous aviez sur ce grand homme de cuisine. Car, ainsi qu'il a l'effronterie de vous en prévenir, il a encore 2 choses à exiger de vous, et il compte assez sur votre facilité déplorable pour être certain de les obtenir. Or, une fois ce but atteint, il se moquera de vous et vous ne le reverrez plus. L'abbé, c'est impossible. Comment ? Je vous le dis, l'abbé, qu'une pareille trahison est impossible. Il ne faut pas non plus croire que les hommes sont des bêtes féroces, des monstres. Je crois, chanoine, répondit l'abbé en haussant les épaules, je crois qu'un cuisinier qui vous donne bénévolement des vins, 1 ou 2 louis la bouteille... Allons donc, s'écria Don Diego. « Ni 1, ni 2, ni 10 louis ne les paieraient, ces vins-là. C'est du nectar, l'abbé, c'est de l'ambroisie, vous dis-je. »« Raison de plus, chanoine. Un cuisinier qui vous prodigue une ambroisie si coûteuse n'a pas besoin de se mettre à vos gages, j'imagine. »« Je ne lui ai pas seulement offert des gages, je lui ai offert aussi mon amitié, l'abbé, à ce perfide. Je lui ai dit, ami, je ne serai pas votre maître, je serai votre admirateur. »« Vous voyez qu'il se soucie aussi peu de votre amitié que de votre admiration. »« Ah !» Ce serait un grand ingrat. Soit, mais si vous voulez à votre tour mettre cet ingrat dans votre dépendance, il ne vous reste qu'un moyen. le mettre dans ma dépendance. Oh, l'abbé, si vous opériez ce miracle !»« Mais non, non, vous êtes sans pitié, vous jouez de ma crédulité. »« Le miracle est bien simple. Refusez-vous absolument à tout ce que cet homme exigera, car s'il n'a pas besoin de votre amitié ou de votre admiration, il a évidemment grand besoin, par exemple, de votre désistement à l'endroit de vos poursuites contre le capitaine Horace. Refusez donc. Alors vous tiendrez votre homme. Je ne sais pour combien de temps vous le tiendrez, mais enfin vous le tiendrez. Nous verrons ensuite à prolonger votre domination. Je suis, vous le voyez, homme de bon conseil. » L'abbé, vous m'ouvrez les yeux. Vous avez raison. C'est en me refusant à ses désirs que je l'obligerai de revenir à moi. En convenez-vous, enfin? J'étais aveugle, inepte. Mais que voulez-vous, l'abbé? Le désespoir, l'inanition. L'estomac réagit si terriblement sur le cerveau. Ah, pourquoi ai-je eu la faiblesse de signer ce désistement de poursuite? Il est temps encore de revenir sur cette mesure. Vous croyez, l'abbé? J'en suis certain. Je connais des personnes très influentes dans la magistrature. Quelle chance, l'abbé, quelle chance! Nous avons des amis partout. Voici ce qu'il faut faire. Vous allez sur l'heure formuler une plainte en bonne forme. Nous irons la déposer immédiatement au parquet du procureur du roi. Nous lui dirons que l'autre jour, étant très souffrant, n'ayant pas la tête à vous, vous aviez signé votre désistement, mais que, songeant à la grandeur du crime sacrilège du capitaine Horace, vous croiriez manquer à votre double caractère de chanoine et de tuteur en ne livrant pas le ravisseur à toute la rigueur des lois. Commencez par cet acte de vigueur, et vous verrez bientôt arriver à vous, humble et soumis à vos volontés, cet insolent qui vous dicte ses ordres. Abbé, cher abbé, vous me sauvez la vie. Attendez, ce n'est pas tout. Ce mystérieux inconnu, qui s'intéresse tant au capitaine Horace, doit s'intéresser aussi à son mariage avec votre nièce. Évidemment, cette intrigue aboutit là, car, tenez, je gagerais sans contre un que l'une des deux choses que cet impertinent se réservait de vous demander, c'était votre consentement à ce mariage. Quelle profondeur de scélératesse ! S'écria le chanoine. Quelle machination diabolique ! Il n'y a plus à en douter, l'abbé, tel était le plan de ce malheureux-là. Oh, si je pouvais le dominer à mon tour ! Le moyen est fort simple, et d'ailleurs, en tout état de cause, d'après les ramifications de cette ténébreuse intrigue dont votre nièce est le but, il y aurait de graves dangers à la laisser à Paris, et quelque parti que vous preniez à son égard. Elle entrera au couvent, s'écria le chanoine. Cela m'arrange sous tous les rapports. Elle m'a déjà causé assez de tracas, assez de soucis. Je n'aime point du tout à jouer le rôle de tuteur de comédie. Votre nièce entrera donc au couvent, mais la laisser à Paris, c'est la laisser exposée aux machinations des amis du capitaine Horace, et vous savez quelle est leur audace. Peut-être sera-t-elle enlevée une seconde fois. Jugez quels nouveaux ennuis pour vous. Mais où l'envoyer, cette damnée fille? Qu'elle parte pour Lyon, aujourd'hui même. Nous avons dans cette ville une excellente maison. Une fois qu'on y est entré, impossible d'en sortir ou de communiquer avec le dehors. Voici donc ce que nous allons faire. D'abord, nous rendre à l'instant au palais de justice. Là, je trouverai un personnage influent qui me recommandera au procureur du roi, entre les mains de qui vous déposerez votre plainte. Ensuite, nous courons au couvent. Il y a toujours sous les remises, pour les cas imprévus, une voiture de voyage toute prête. Une de nos chères sœurs et un homme sûr et résolu accompagneront votre nièce. Vous lui signifiez vos ordres. Dans 2 heures, elle est sur la route de Lyon. Et avant la fin de la journée, le capitaine Horace est coffré, car croyant votre plainte retirée, il a dû sortir de la retraite où nous n'avions pu d'abord le découvrir. Une fois ce mécréant arrêté et votre nièce hors de Paris, vous verrez accourir chez vous le seigneur Appétit, et avec un peu d'adresse, je vous adresse s'il le faut, vous le tiendrez à merci et userez de lui comme vous le voudrez. « Cher abbé, vous êtes mon sauveur !» s'écria le chanoine en se levant, le visage rayonnant d'espérance. Vous êtes un homme supérieur. Le père Benoît me l'avait bien dit à Cadis. Partons, partons. Je m'abandonne aveuglément à vos conseils. Tout me dit qu'ils sont excellents et qu'ils mettront à jamais en ma puissance celui-là qui est à la fois pour moi un ange et un démon. Partons donc, mon cher Don Diego, dit l'abbé en prenant son chapeau à la hâte et en entraînant le chanoine. Au moment où l'abbé ouvrait la porte du salon, il se trouva face à face avec le docteur Gasterini, qui entrait familièrement chez le saint homme sans être annoncé. L'abbé allait adresser la parole au docteur lorsqu'un grand cri poussé par le chanoine, il se retourna brusquement et vit Don Diego pâle, immobile, le regard fixe, les mains jointes. Ses traits exprimaient à la fois la stupeur, le doute, l'angoisse et l'espérance. Enfin, s'adressant à l'abbé, qui ne comprenait rien à cette émotion subite, le chanoine, désignant le docteur du geste, balbutia d'une voix mal assurée « C'est lui le... » Mais Don Diego ne put en dire davantage. Brisé par l'émotion, il s'assit pesamment dans un fauteuil, pâlit, ferma les yeux et tomba en faiblesse. « Diable, le chanoine ici ?» se dit le docteur Gasterini. « Maudite rencontre !» L'abbé Ledoux, à l'aspect de Don Diego tombant en faiblesse, tableau peu touchant, s'écria en s'adressant au docteur « Mais en vérité, je crois que le chanoine se trouve mal. Qu'a-t-il donc ?»« Vous arrivez à propos, mon cher docteur. Tenez, voici des sels, je vais les lui faire respirer. » À peine le flacon eut-il été placé sous les larges narines du chanoine, qu'il éternua violemment avec une sorte de mugissement caverneux. Puis, sortant de son anéantissement passager et revenant tout à fait à lui, mais n'ayant pas encore la force de se lever, il tourna vers le docteur ses regards languissants, tout noyés de larmes, et lui dit avec un accent qui voulait être courroucé, mais qui n'était que tendre, « Ah, cruel !»« Cruel ?» reprit l'abbé stupéfait. « Pourquoi appelez-vous le docteur cruel, Don Diego ?»« Oui, » reprit le médecin, redevenu parfaitement calme et souriant. « Quelle cruauté avez-vous à me reprocher, monsieur ?»« Tu me le demandes, ingrat ?» murmura le chanoine. « Tu me le demandes ?»« Comment, vous tutoyez le docteur ?» dit l'abbé. « Vous le traitez d'ingrat ?»« Le docteur ?» dit le chanoine. « Quel docteur ?»« Mais mon ami auquel vous parlez ?»« Mon ami que voilà, le docteur Gasterini ?»« Lui ?» s'écria le chanoine en se levant soudain. « Je vous dis que c'est mon tentateur, mon séducteur !»« Au diable, il le voit partout !» dit impatiemment l'abbé. « Je vous répète que monsieur est le docteur Gasterini, mon ami. »« Et moi, je vous répète, l'abbé, » s'écria Don Diego, « que monsieur est le grand homme de cuisine dont je vous ai parlé. »« Docteur, » dit vivement l'abbé, « au nom du ciel, expliquez ce quiproquo. »« Il n'y a pas de quiproquo du tout, mon cher abbé. »« Comment ?»« Le seigneur chanoine dit vrai, » répondit le docteur Gasterini. « Avant-hier, j'ai eu le plaisir de faire la cuisine chez lui. Car pour avoir l'honneur de se dire gourmand, il faut savoir pratiquer soi-même la science culinaire. »